Deuxième temps de notre série consacrée à l'histoire de l'Europe dans la fabrique de l'histoire. Aujourd'hui, le documentaire de Victor Massé de l'Épinay, Françoise Camard et Marie-Laure Ciboulet. Après nous être demandé hier comment écrire une histoire culturelle de l'Europe et avant demain de nous intéresser à l'histoire des discours anti-européens, nous allons ce matin entrer dans la fabrique d'un débat intellectuel autour de l'histoire et de la mémoire de cette même Europe. C'était à la fin de 2016 à Hanovre, dans un centre de conférences où se réunissaient des dizaines de chercheuses et de chercheurs, contributeurs d'un ouvrage collectif qui vient de sortir, Europa, notre histoire, publié aux éditions Les Arènes. Si vous voulez entendre des intellectuels, des historiennes et des historiens au travail réfléchissant à haute voix à la notion de lieu de mémoire européen en amont de la publication de ce gros ouvrage collectif, c'est ce matin jusqu'à 10h dans le documentaire de Victor Massé de l'Épinay, Françoise Camard et Marie-Laure Ciboulet. Europa en chantier, partage des mémoires, fabrique d'une histoire. Victor Massé de l'Épinay, Françoise Camard, Marie-Laure Ciboulet. Alors vous avez, si vous voulez, il y a un Indien qui vient d'arriver, qui est là-bas. Il y a une jeune collègue qui vient de Washington. Oui. Mais qui est brésilienne. Et qui est brésilienne, donc voilà. On a aussi des Hongrois qui sont là. Des Polonais. On a prévu qu'on soit une soixantaine. ...109 auteurs réunis sous la direction d'Étienne François et Thomas Serrier, 150 articles, 1392 pages, voici Europa, notre histoire, sorti le 13 septembre 2017 aux Arènes. Une vaste enquête collective pour tenter de répondre à ces questions. Les mémoires européennes sont-elles davantage que la somme des mémoires nationales? L'Europe possède-t-elle des lieux de mémoire? Bon, tout se passe bien? Optimiste? Il n'y a pas ni optimisme ni pessimisme. On est très content de cette rencontre qui nous permet de discuter avec beaucoup d'auteurs qui sont en train de travailler sur leurs textes, qui nous ont déjà livré leurs textes. Et puis aussi de faire connaissance de beaucoup d'auteurs parce qu'on vit à une époque où on prend contact par Internet, tout est virtuel, tout est digital. Et puis là, on a cette chance grâce à la Fondation Volkswagen de vraiment de faire connaissance et de pouvoir discuter de vive voix avec des Brésiliens, des Indiens, des Russes. Et donc je pense que ça, comme on a beaucoup insisté dans la phase de conception de notre projet sur cette multiplicité des voix, je crois que c'est très important d'avoir, avant la publication finale, d'avoir ce moment pour se rencontrer. Alors c'est a priori par là. Je n'oublie pas le tramway. On m'a dit que c'était par là, la deuxième route. Je pense que ça doit être là, sur la petite place, que le tramway passe. Nous voici à Hanovre au mois de décembre 2016, 9 mois avant la sortie du livre. Une bonne moitié des auteurs est réunie pour faire un point sur l'avancée des travaux. Pendant 2 jours, chacune et chacun va présenter aux autres son article, plus ou moins abouti, et se soumettre au jeu de la critique. Il est 9h et alors que le soleil se lève paresseusement, commence une journée d'intense réflexion sur notre histoire, nos mémoires, nos consciences et nos identités, notre avenir et nos idéaux. Le lendemain du premier dimanche de l'Avent. Et les dimanches de l'Avent en Allemagne sont quand même plus fêtés, plus célébrés qu'en France. On connaît ça en Alsace évidemment aussi. Donc il y a ces marchés de Noël qui sont très importants. Et voilà, on est dans cette ambiance d'avant Noël. Ça n'a rien à voir avec notre projet, mais c'est simplement un effet de hasard de calendrier. La musique qu'on entend pourrait avoir à voir avec le projet. Les marchés de Noël aussi, éventuellement. Oui. Il y a de la musique dans le... On n'a pas d'entrée sur un musicien, mais on a une entrée sur... c'est d'ailleurs un auteur autrichien, Philippe Terre, qui nous fait un article sur l'opéra. Donc, on va rester du côté gauche, m'a-t-il dit. Je pense qu'on va trouver la station du tram. La barricade bouclier du peuple. Le pacte germano-soviétique, un tabou. 1054 ou les deux Roms. Les fantômes de l'esclavage. Léonard, génie idéal. Toutes ces entrées seraient donc des lieux de mémoire. Qu'est-ce que c'est exactement un lieu de mémoire? Je pense qu'à la fois c'est extrêmement simple. C'est comme Pierre Nora l'a écrit il y a... Bogumil Yevchevitsky. Non, longtemps. C'est des lieux où la mémoire travaille. Je pense que ça, c'est la définition première et la plus importante. Un lieu, un objet, une idée qui n'est pas le siège d'interprétations conflictuelles, des souvenirs différents, etc., n'est pas pour moi un lieu de mémoire. C'est un lieu mort, symbole, éventuellement commun, mais qui n'avance pas à les débats. C'est pas là où ça descend, là. Ouais. Je pense, parce que je vis hier en arrivant... Mon intuition, c'est que c'est en dessous. C'est pas seulement dans la mémoire. Moi, je suis espagnol, mais quand même, je travaille à Kiel, à l'université de Kiel, au nord de l'Allemagne. Et donc ma tâche, ici, c'est un peu présenter la figure de Don Quichotte comme lieu de mémoire européenne. Tout le monde est ami ici, tout le monde se connaît. Oui, oui, nous on se connaît parce qu'on mène par ailleurs un programme Erasmus+, sur les nouveaux métiers de la ville. C'est une Babel préparative, on peut l'appeler comme ça, où je pense qu'on va parler pas mal de langues différentes. Et moi, je suis commentatrice avec un professeur de Munich dans le troisième groupe. Dans le troisième groupe, c'est le groupe du troisième volume. Oui, les mémoires mondialisées, c'est ça. C'est-à-dire que c'est, par exemple, le regard sur la colonisation, le regard sur l'immigration, et puis quelques surprises intéressantes, comme l'invention de la Kalachnikov, par exemple. Le problème est celui de la possibilité de transférer quelque chose qui a été pensé par Pierre Nora il y a 25 ans, Jacques Revel, dans un cadre français, c'est-à-dire par rapport à une très longue histoire, très continue, qui s'est voulue très continue et qui ne cesse de se remâcher, de se commenter elle-même, au moins depuis le 11e siècle. Si on peut le transférer à un espace hétérogène, fait de plusieurs histoires en partie entrelacées, en partie séparées, qui sont inscrites dans des durées différentes, qui correspondent à des expériences différentes, et donc qui posent d'autres problèmes. Thomas, il y a un escalier ici. Hein, oui, c'est ça, c'est sous l'escalier. Apparemment, c'est en souterrain. Est-ce qu'on n'est pas non plus en train de fabriquer un peu à marche forcée des lieux de mémoire européens, parce que c'est l'objet d'une commande pour les articles d'un ouvrage, sans qu'on soit réellement toujours clair sur lieu de mémoire pour qui. Quand on dit, je ne sais pas, Amsterdam ou Saint-Pétersbourg, c'est un lieu de mémoire européen, qui parle et qui accepte cette idée que c'est un lieu de mémoire européen? Où sont les voix dissidentes dans la discussion autour de cette idée-là? Et j'ai peur que ce soit le nœud un peu de tension future, probablement demain, sur la méthode, en fait. Quelles sont les sources que l'on utilise pour qualifier ces lieux de mémoire de lieux de mémoire européen? Ça reflète aussi le fait que cette mémoire européenne unifiée, même nous, on n'arrive pas bien à la traiter de façon relativement égalitaire, en fait, pour peu qu'elle existe, d'ailleurs. Et peut-être qu'elle n'existe pas. Oui, un petit peu excursion scolaire, c'est sympathique. C'est sympathique, et puis ça permet de découvrir des auteurs, des gens qu'on ne connaissait pas. On met 50 universitaires autour d'une machine du métro et on voit comment ça, sociologiquement, c'est intéressant. C'est chaotique. Non, mais tout sera chaotique, mais ça veut dire que c'est pas totalitaire. Alors, je dirais, il y a plusieurs options, comme toujours. L'une, c'est de considérer que l'Europe, ça existe, en tant que telle. Personnellement, je pense que ce n'est pas la bonne option, parce que, dans ce cas-là, on aboutit à un catalogue de lieux de mémoire qui sont des clichés qu'on peut anticiper. On peut prendre le réseau des monastères, les universités, les opéras, ce qu'on veut. Et puis on peut prendre au contraire des questions débattues en considérant qu'on ne sait pas ce que c'est que l'identité européenne et on ne sait pas ce que c'est que l'identité européenne, même si quelque chose comme ça existe, et essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui sont derrière. C'est-à-dire non pas une sorte de marche inaltérable, inarrêtable vers l'Europe qui aurait toujours existé, mais un processus un peu chaotique avec des avancées, des retraits. Nous sommes dans une période de relatif retrait. C'est probablement pas le dernier mot, mais c'est aussi à prendre en compte. Et c'est pas la première fois. vue de l'extérieur, pour un non-européen, on établit des liens entre les différents espaces européens et on cherche à voir une unité. Je pense que cette unité existe historiquement. Bon, l'exemple le plus évident, c'est le christianisme, bien sûr, le rôle de l'Église, mais il ne faut pas non plus tomber dans le piège de l'essentialisation de cette unité et voir que l'Europe est aussi très partagée, très fragmentée, et que son histoire et sa mémoire présente, elle est très conflictuelle. On est dans le tram, un tram souterrain, spécialité allemande. C'est vraiment l'archétype de la ville qui a été totalement détruite par les bombardements à la Seconde Guerre mondiale et qui a été réédifiée entre les années 50 et 70 dans une optique très, très futuriste. Quoi. Des infrastructures impressionnantes, aériennes, souterraines, une architecture de béton, d'acier. Est-ce que le concept de lieu de mémoire européen est opératoire? Est-ce que l'Europe comme entité existe? Les deux questions sont liées. Johan Chapoutot. Ça reste un pari ouvert, ça reste une ambition. Peut-être que l'Europe est moins une affaire de mémoire qu'une affaire d'idéal, et d'idéal vers lequel on tend, d'idéal régulateur, disait Kant, cette forme vers laquelle on tend dans l'histoire. Bon, l'Europe est sans doute plus affaire d'avenir que de passé, de ce point de vue-là. Et est-ce qu'il y a des lieux de mémoire opératoires pour toute l'Europe? On va être enfermé un peu pendant deux jours. Oui, dans un monde qui a totalement disparu, qui est celui de la monarchie hanovrienne. Monarchie hanovrienne, c'est-à-dire la famille de l'actuelle dynastie britannique, les Windsor, qui sont en fait des Allemands. Nous voici à Herrenhausen, surtout célèbre pour ses jardins magnifiques encore couverts de givre quand nous arrivons. Le château, entièrement rasé par un bombardement allié en 1943, a été reconstruit tout récemment. Inauguré en 2013, il abrite désormais un centre de congrès et de séminaires. Tout le monde arrive à l'heure, oui, alors c'est bien, c'est vraiment beaucoup de firepower intellectuel qui se retrouve aujourd'hui, alors on est très content de cette réunion. Et vous êtes le coordinateur de... Je suis le coordinateur de cette conférence, aussi le coordinateur du projet Livre et auteur dans le projet. Oui. D'un article sur le football. Sur le football, sur la dissidence, sur les disparus et aussi sur Rosa Luxemburg et Marie Curie. Dear colleagues and friends and co-authors of our book project, thanks to Anatole Kremers. Après les mots d'accueil d'usage de la Fondation Volkswagen qui finance cette rencontre et de l'Université européenne Viadrina, Étienne François, Thomas Serrier, Mike Plitt et l'éditrice Hélène de Virieux lancent les débats avec toujours au cœur des discussions ce concept de lieu de mémoire. Ça, c'est un peu ma question sur laquelle j'ai travaillé les dernières années, pour voir est-ce que le lieu de mémoire, cette notion-là, n'est pas devenue un lieu de mémoire de l'historiographie européenne. Benoît Magérus. Si vous parlez avec un historien en Allemagne, ou en Italie, ou en Belgique, aux Pays-Bas, ils connaissent tous ce mot, ce concept. Ils connaissent et ils font tous le lien avec Pianora. Et c'est quand même assez rare qu'il y ait des concepts nouveaux qui ont tellement vite voyagé. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que le lieu de mémoire est un lieu de mémoire pour la petite communauté des historiens européens. Mais c'est pour l'Europe de l'Ouest. Et donc, moi, j'ai un peu travaillé aussi sur où est-ce qu'on trouve les lieux de mémoire de Nora dans les bibliothèques. Et on voit que les bibliothèques nationales en Europe de l'Est l'ont pas. Où est-ce qu'il y a eu des projets en Europe de l'Est? Le seul pays qui l'a vraiment fait, c'est un projet germano-polonais. En tout cas, c'est aussi un concept qui est né avant la chute du mur. Donc, il n'a pas traversé d'une certaine manière le mur et il n'a pas fait sens, ou ça n'a pas fait sens pour ces historiens-là. D'historiens de pays de l'ancien bloc soviétique, de l'Europe de l'Est, qui sont là ou qui participent à cet ouvrage? Moi, il y en a, et ce qui est quand même intéressant ici, là, on l'a dit ce matin, il y a seulement, donc ça reste comme un projet franco-allemand, 50% des auteurs viennent ou bien de France ou d'Allemagne, mais il y a quand même 50% qui viennent d'ailleurs. Et parmi ces gens qui viennent d'ailleurs, il y a aussi des historiens de l'Est ou spécialiste de l'histoire de l'Est. Et je crois que ça c'est aussi lié à Thomas Serrier, qui est un spécialiste de l'Europe de l'Est, et donc aussi cette attention plus particulière à cet espace-là. It's open and feel free, of course, to speak, to use the principle of Babel and to speak in every language you prefer. Puis vient l'heure du déjeuner dans l'une des salles du château. Certains se retrouvent, d'autres font connaissance. Tous semblent impatients d'entrer dans le vif du sujet et de se retrouver en plus petits groupes, un pour chacune des trois parties du livre, pour discuter des chapitres des uns et des autres. Quant à nous, installés dans une petite salle un peu à l'écart, nous pourrons recevoir au calme, un par un, les participants qui accepteront de répondre à nos questions. Une chance, beaucoup d'entre eux sont francophones. Est-ce qu'il y a une entrée sur la gastronomie dans ce projet ? Dans le livre ? Est-ce qu'on a la gastronomie dans le livre ? Oui, bien sûr, il y a Dorf, Pascalori. Moi j'adore ces moments de rencontre et bon, ça tout le monde dit, même la rencontre en dehors du scientifique. On vient de manger, c'est là on rencontre des gens, c'est là on discute aussi d'une manière peut-être moins formelle et moins, pas agressive, mais on peut plus dire des choses autour d'une table que là où on va aller dans la salle et il y aura des gens qui sont assis devant et d'autres qui sont assis en face. Et donc on est tout de suite dans un autre dispositif lors de la véritable conférence que dans tout ce qui entoure la conférence. Et oui, parfois je me dis, on pourrait skipper, enlever, je ne sais pas comment ça se dit en français, le côté conférence, mais il faudrait juste réunir des gens autour d'une table pour manger. Et c'est là où il y a des vraies discussions sur le sujet même. Je crois qu'on vous a mis en retard. Ok, donc on y va. 10h37. Je dirais que c'est votre faute. Allons donc voir ce qui se passe dans les salles. Ça y est, les grands oraux ont commencé. Dans la salle du groupe 2, un historien anglais, Alan Forrest, évoque Napoléon. But in spite of his other achievements, as a lawgiver, as the writer of the Napoleonic Code, as someone who brought modern administration to areas of Europe which had previously been under feudal rule, in spite of these... Qu'est-ce que ça veut dire, aborder Napoléon comme lieu de mémoire d'abord? Ce n'est pas simplement écrire une énième biographie ou un énième article sur Napoléon, c'est en faire un lieu de mémoire, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est beaucoup plus intéressant qu'une biographie traditionnelle, parce que ça veut dire que Napoléon, ce qu'il a fait, ses idées peut-être jusqu'à un certain point, sont restées dans la mentalité, pas seulement des Français, mais des autres pays qui sont devenus une intégrale à l'Empire napoléonien, et peut-être au-delà. Je reviens cet été de la Nouvelle-Orléans. C'était un moment au début du 19e siècle où beaucoup, beaucoup d'officiers et d'anciens soldats de Napoléon ont cherché asile ailleurs pour ne pas revenir dans la France des Bourbons. Et à la Nouvelle-Orléans, ça faisait étonnant, ils étaient assez nombreux. Donc, dans les quartiers de la ville qui furent développés en ce moment-là, on trouve les noms de rues, Eilau, Joséphine, Marengo, et puis tout le quartier est centré sur l'avenue Napoléon. Donc, c'est vraiment un exemple entre beaucoup d'un territoire francophone, mais après 1803, intégré dans les États-Unis quand même, un territoire où le souvenir de Napoléon est assez vivant, et où une sorte d'admiration, peut-être pas pour les idées, peut-être pas vraiment pour ce qu'il avait fait, mais pour une sorte d'icône Napoléon, reste, même aujourd'hui. Et pour l'Europe européenne, faire de Napoléon un lieu de mémoire, est-ce que ça veut dire tenter de réconcilier les mémoires autour de Napoléon? Est-ce que ça veut dire essayer de faire de Napoléon un Européen et non pas un Français? Je crois que jusqu'à un certain point, on peut supposer que Napoléon avait une sorte de conception, du XVIIIe siècle d'ailleurs, mais une conception de l'Europe. Il a beaucoup lu l'histoire de l'Antiquité, mais aussi du Moyen-Âge. Il voulait, jusqu'à un certain point, imiter les grands hommes du passé, Charlemagne en tête. Donc l'Europe qu'il voulait créer, ou l'Empire qu'il voulait créer, c'était une Europe ancrée sur la Lotharingie, en français, je ne suis pas sûr, le nord de l'Italie, la Suisse, la Rhénanie, ce qui a été pris par les Français, ou bien sous le Directoire, ou bien sous Napoléon lui-même. Donc c'est une sorte de conception géopolitique de l'Europe qu'il avait. Donc je crois qu'il serait faux de dire que Napoléon a réussi à réunir les esprits. Il y avait beaucoup d'opposition, bien sûr, à ce qu'on regardait comme une invasion franco-française dans ces pays-là. Mais le souvenir, la mémoire continue, et ce n'est pas toujours un souvenir négatif. Si on va par exemple à Milan, dans le musée de la Risorgimento, on trouve que les trois premières salles du musée commémorent l'invasion française, la période napoléonienne d'une certaine façon. Napoléon est conçu comme le début de quelque chose, comme le début de la modernité, style italien. Et on trouve la même chose jusqu'à un certain point en Allemagne, même si le nationalisme allemand est perçu comme une sorte de réaction contre Napoléon. Pour les pays en question, le moment de l'invasion ou bien de la résistance contre Napoléon fut essentiel dans une sorte de fabrication de leur identité moderne. Et je crois que dans ce sens-là, on peut dire que Napoléon représente très différemment dans les différents pays une sorte de lieu de mémoire. Governments of very, very different sorts seemed to find in Napoleon messages and lessons that they could learn and that they could apply to the future. Anne-Marie Autissier, commentatrice du groupe 3, nous résume les échanges de la salle d'à côté. Alors en fait, on avait vraiment un éventail assez large. Parce qu'on est allé de points qui étaient plutôt des points précis. Je ne vais pas citer tous les articles, je vais donner des exemples. La façon dont le système américain de marché et de communication s'est approprié les jeans, le coca et la pizza, comment ils se sont appropriés tous ces éléments qui venaient d'Europe pour les transformer et pour les renvoyer après sur l'Europe et aussi sur le monde entier comme des produits made in America, et comment un certain nombre d'Américains sont absolument persuadés que la pizza est née aux États-Unis et ainsi que le coca, etc. Bon, donc il y avait ce type d'exemple, et j'ai envie de dire à l'opposé du prisme, il y avait des articles sur la colonisation et l'esclavage. Et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de réfléchir sur la mémoire que ça génère et quel type de mémoire en Europe on peut aujourd'hui diffuser dans l'espace public, quel type de mémoire à propos de la colonisation et de l'esclavage. Autre exemple, dans ce troisième groupe, Christine Cadeau présente son chapitre qui s'appellera... Tiens, un programme nous annonce Christophe Colomb et un autre Pilgrim Fathers. Ah, et sur celui-là, c'est Éric Le Rouge. Apparemment, le titre définitif n'est pas trouvé. Alors, ça sera comment Christophe Colomb disparaît, en fait. C'est l'éclipse de Christophe Colomb. Et c'est une histoire de ce comment les manuels scolaires d'histoire américains au XIXe siècle vont raconter l'histoire de la découverte de l'Amérique par l'Europe, à travers d'abord la figure de Christophe Colomb, puis en choisissant d'autres héros qui vont découvrir l'Amérique, parce que l'idée, c'est de construire les États-Unis en opposition avec l'Europe, puisqu'on s'en sépare à ce moment-là, en opposition aussi à la tutelle anglaise, et donc en rejetant loin, le plus loin possible, la monarchie, les figures de la monarchie, de la contrainte religieuse du catholicisme, tout ça pendant que, aux États-Unis, le pays s'abreuve de vagues migratoires qui s'appuient aussi sur ces récits de la découverte pour asseoir leur place dans la nation américaine. Les WASP, les Italiens, qui vont mobiliser donc des mythes et des personnes différentes. Comment est-ce que tout ça s'articule avec le lieu de mémoire? C'est le lieu de mémoire de quel côté? Alors c'est un lieu de mémoire européen qui est la découverte de l'Amérique, tel que les Américains peuvent l'enseigner dans l'histoire et à travers les manuels scolaires, mais qui est un récit très discontinu. Par exemple, Christophe Colomb est très utile pour légitimer la dépossession territoriale des Indiens. Et à mesure que les Indiens sont poussés à l'ouest et exterminés, eh bien la figure de Christophe Colomb, elle est plus vraiment utile parce que la question indienne est réglée. Et donc à ce moment-là, il s'agit de traiter quels sont les meilleurs héros possibles pour raconter une histoire la meilleure possible de la construction américaine. Et à ce moment-là, on se rend compte que les Pilgrims, ça marche mieux. Ils sont protestants, ils sont plus catholiques. Ils fuient l'intransigeance religieuse européenne. Ils fuient les persécutions des monarchies européennes. Et donc, ce sont des ancêtres plus acceptables pour une république américaine. Et puis, si on continue dans le 19e siècle américain, au moment où la ségrégation ou la discrimination envers les anciens esclaves doit être légitimée, à ce moment-là, le thème des Vikings nous permet d'asseoir des ancêtres américains qui soient plutôt blancs, plutôt grands et blonds aux yeux bleus, ce qui fait qu'une certaine partie de la population se sent plus légitime aussi dans ce récit de fondation nationale par rapport à une autre catégorie qui accède à la citoyenneté en concurrence en quelque sorte avec eux. Alors bon, les monuments à Christophe Colomb, Vasco de Gama, sans surprise, il y en a en Italie, il y en a en Espagne, etc. Mais il y en a aussi en Allemagne et en Autriche au XIXe siècle. Comme si tout d'un coup l'Allemagne et l'Autriche rejoignaient en quelque sorte la célébration de Christophe Colomb pour tout un tas de raisons, pour montrer qu'elles ont toujours été à la pointe du progrès des découvertes, pour montrer qu'elles sont des lieux, des ports, donc des lieux de puissance économique, de puissance maritime, etc. etc. Donc comment ces figures à un moment donné sont entre guillemets réutilisées ou utilisées et comment après on peut dire, bon, puisqu'on a Christophe Colomb en Allemagne, en Autriche, au Portugal, etc., alors Christophe Colomb est une figure européenne. Mais pour autant, on n'en est pas complètement sûr parce que les réappropriations à ce moment-là, elles sont toujours nationales. C'est-à-dire que le Christophe Colomb autrichien, enfin, le Christophe Colomb de Vienne, il n'est pas tout à fait le même que le Christophe Colomb qui est parti aux Amériques. Et disons, tel que dans sa propre culture, il se reflète ou il est célébré. J'ai trouvé justement que l'auteur de cet article avait une expression très heureuse. Elle disait finalement, ces personnages, on peut les considérer comme des lieux ou des personnages de mémoire, cumulatif, ce sont des mémoires cumulatives. L'amour libre, Carmen, Cécile Kovacsasi. Le mythe du Kosovo, Todor Kulik. L'histoire comme inspiration, François Hartog. Saint-Pétersbourg, fenêtre sur l'Europe, Marina Dmitrieva. On m'avait demandé un article sur les trois ordres, le clergé, la noblesse, les tiers-états. Donc, comme lieu de mémoire, c'était le défi de trouver comment ça pourrait s'ajuster, d'abord en tant que lieu de mémoire, et puis comme lieu de mémoire européen pour une dimension continentale. Voilà. Et alors, comment est-ce que vous avez répondu à ces deux défis ? En fait, j'ai essayé de répondre en proposant de penser les trois ordres comme un lieu de mémoire négatif, c'est-à-dire c'est son abolition qui constituerait pour nos sociétés contemporaines un lieu de mémoire. On le célèbre pour en conjurer le retour. En fait, le cas de la France, c'est le cas emblématique. Et c'est d'où je suis parti. En fait, je commence mon texte avec la nuit du 4 août et l'abolition des privilèges. Par contre, penser la dimension européenne, en fait, me semble-t-il, nos sociétés modernes, européennes, vivent... quand même une auto-image des sociétés démocratiques, égalitaires juridiquement, où les identités sociales ne sont plus déterminées par l'appartenance à un groupe, à une catégorie, comme c'était le cas pour la société d'Ancien Régime. Et je pense que c'est dans cette configuration qui est commune à toutes les sociétés européennes qu'on peut penser l'écart par rapport à la société des trois ordres. Bondy a traité très astucieusement. Et au fond, ce qu'il propose comme analyse, c'est que la persistance de ce motif, qui depuis longtemps ne correspond plus à une description réelle de la société, est au fond une manière de continuer à penser la hiérarchie dans une société qui se prétend démocratique. Hein ? Et ça, c'est un problème très important. C'est le problème Tocqueville, si on veut, ou c'est le problème que l'anthropologue Louis Dumont posait en montrant qu'il était probablement plus facile de trouver sa place dans des sociétés hiérarchiques où chacun sait où elle est, même s'il ne l'a pas choisie, que dans des sociétés démocratiques où chacun doit faire sa place par rapport à d'autres. Alors, tout ça me paraît très pertinent et informer, sinon la mémoire, en tout cas, les représentations du monde social qu'ont les Européens, ou une grande partie des Européens. Sauf qu'ils ne le pensent pas à travers le motif des trois ordres. Parce que les trois ordres, c'est un terme pour prof, enfin pour chercheur. C'est pas quelque chose, si vous interrogez des gens dans la rue et que vous dites « qu'est-ce que vous pensez des trois ordres ?», personne ne vous répondra. Ancien régime aurait probablement été une meilleure entrée, c'est-à-dire ancien régime, tout le monde est contre, mais en même temps il investit nos représentations en permanence. Le marchand et le missionnaire, Marina Münkler. Manchester et Lodz, l'enfer sur terre, Agatha Zizjak. Le carrefour adriatique, Daniel Baric. Le globish du Moyen-Âge, Jürgen Trabant. Ce qui est intéressant dans les discussions que l'on a, c'est qu'on utilise un idiome qui pourrait être un lieu de mémoire européen maintenant, et un lieu de mémoire passé d'ailleurs, qui est la langue anglaise. C'est assez curieux, parce qu'on est en train de parler une langue, hein, dans nos échanges, la nouvelle lingua franca de l'Europe, la nouvelle langue franque de l'Europe, donc, qui est l'anglais, alors que la Grande-Bretagne est le premier pays à avoir quitté l'Europe. Hein. C'est assez intéressant et assez amusant, assez ironique, hein, comme fait. Pour se comprendre, le lieu commun, puisqu'on parle de lieu de mémoire, le lieu commun n'est plus le français, comme c'était le cas jusque, disons, dans l'université jusqu'au début du XXe siècle. Ce n'est pas l'allemand non plus, alors que nous sommes ici en Allemagne et que beaucoup d'entre nous sont germanistes, mais c'est l'anglais. On est obligé de passer par cette médiation, et c'est assez curieux comme expérience. L'Atlantique noir, Anna Lucia Rauge. Averroès, passeur d'Aristote, Rémi Brague. La Première Guerre mondiale, suicide de l'Europe, Jay Winter. Lumière, Aufklärung, Enlightenment, Ascala, Thomas Brose. On m'a confié deux sujets hilarants, qui sont le tyran et la décadence. Les articles qu'on m'a confiés sont courts, hein, 5000 et 10000 signes. Et ce sont plus des essais au long cours, au grand galop, hein, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, pour voir ce qu'il en est dit dans l'Europe, et dans quelle mesure il s'agit de points de référence de l'identité européenne. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai conçu. La décadence et le tyran étant deux petits lieux de mémoire qui sont tous les deux adossés à deux méta-lieux de mémoire. La Grèce, pour le tyran, parce que c'est en Grèce que est élaborée la notion, et c'est en référence à la Grèce que l'on pense la tyrannie depuis, et Rome, pour la décadence, puisque l'obsession de la décadence est une obsession très romaine, que les Romains nous ont léguée, et qui a été ensuite entretenue par la chrétienté médiévale, un petit peu mise sous le boisseau par la Renaissance et par les Lumières, et qui a ressurgi après la Révolution française dans le sillage des discours contre-révolutionnaires. La démocratie loin d'Athènes, Saint-Jacques, le sens du chemin, Constantinople, Byzance, Istanbul, métamorphose d'un détroit, la Méditerranée, le centre de gravité, le Congo n'aime pas Tintin. Évidemment, je me pose la question de savoir pourquoi et comment on fait un tel colloque à l'issue de la préparation du livre et non pas au début. Gert Krumeich. Ça aurait été beaucoup plus fructueux pour moi de voir les autres avis il y a un an ou deux. Mais Étienne François vient de me dire qu'on a toujours moyen de rédiger, de faire évoluer un peu le texte. Dans ce livre, je traite de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, héroïne européenne. Quand Étienne François m'a invité de participer à ce livre, j'ai dit tout de suite d'accord, parce que j'avais moyen de rendre public une idée pas tout à fait ordinaire. Jeanne d'Arc, elle est française, elle est ultra-française, c'est la française avant toutes les françaises, et bien des gens en France m'ont dit « Gerd, tu comprendras jamais Jeanne d'Arc puisque tu es allemand. » Et de leur faire voir que Jeanne d'Arc est une héroïne à caractère européen et mondial, longtemps avant de tomber héroïne française, ça a été un défi. qu'on m'a rapproché aussi, que je n'ai pas suffisamment insisté dans ma présentation sur le côté gender. Voilà, c'est une bonne idée. Je vais sans doute, parce que j'aurai le temps de le faire jusqu'en décembre, me dire, Étienne François, je vais ajouter quelques idées concernant cette spécificité du genre féminin et cette particularité de Christine de Pizan qui dit, dès le vivant de Jeanne d'Arc, elle dit, c'est une femme. Vous voyez que c'est une femme et pas un homme qui fait ça. Et c'est encore un miracle plus profond. Parce que la femme, vous le savez tous, est faible. Mais Dieu, il peut tout faire, même par le biais d'une femme. Ah ça, je le dirai encore. Je n'avais pas une idée, mais ça m'est venu cet après-midi en écoutant la critique, et ça c'est génial. Dans le groupe 2, dans lequel vous êtes intervenu ce matin, on a parlé de Napoléon, Jeanne d'Arc, Shakespeare, Don Quichotte, César et Alexandre. Tout... Et Cinderella. Et Cendrillon, que j'oublie, qui est une femme aussi. Tous ces personnages sont des icônes, et le mot a été dit beaucoup de fois ce matin, des icônes. Est-ce qu'il y a une différence entre une icône et un lieu de mémoire? J'ai aucune idée. J'ai vu mon article et j'ai vu, comment dirais-je, ce que j'ai entendu ce matin. Et on verra bien si les responsables seront vraiment capables d'en tirer une synthèse. Le défi vraiment grand, c'est de faire un peu comme Nora à l'époque. Sera-ce possible? Nora est un questionnement très profond sur toutes les dimensions d'un souvenir et d'une réalité de l'histoire de France. Là, le cadre est donné, où tout s'insère. Si César, Alexandre, Cinderella et Don Quichotte s'insèrent dans l'histoire de l'Europe au même titre que Jeanne d'Arc et Napoléon, je reste sceptique et je verrai bien ce qu'ils vont en faire. Je demande la synthèse. Et après une journée de discussion et un dîner animé au château de Herrenhausen, il est temps de retraverser Hanovre, de regagner l'hôtel et de faire sinon une synthèse, du moins un premier bilan avec Étienne François. Écoutez, pour être franc, ça dépasse mes espérances. Puisque il y a eu une sorte de cristallisation entre les uns et les autres qui fait que les débats se sont mis tout de suite en place. Et que, au total, j'ai eu l'impression que chacun avait envie de donner le meilleur de soi-même et de voir comment il pouvait le mieux s'intégrer dans le projet collectif. Le dîner, c'était exceptionnel. On est resté ensemble avec 3-4 personnes qui donc, avaient travaillé dans les séances l'après-midi. Et j'ai compris que chacun avait une histoire très différente de l'Europe. Et chacun travaillait un peu sur ce sujet de la mémoire, je crois, parce qu'il y avait des rapports personnels avec ce sujet-là. C'était très drôle pour moi de voir la réalité du plurilinguisme, la réalité surtout d'une communauté de pensée, mais que tout le monde est capable de parler 3, 4, 5 langues, c'est une réalité, non? Voilà, c'est une expérience qui me frappe. Il y a des musiques qui peuvent sonner, non? Et voilà, la musique est là, non? La musique est là. Là est réuni dans ce château de Herrenhausen qui a abrité Leibniz aussi, hein, au XVIIIe siècle, et réunit une petite république des lettres. Mais là aussi, la république des lettres, c'est un lieu de mémoire sur le long terme. C'est une formation que l'on connaît depuis le Moyen-Âge, hein, des clercs qui se réunissent et qui parlent une même langue, en l'occurrence le latin pendant longtemps, le français ensuite, et désormais, bon, l'anglais. Donc là, on est en train de vivre un petit lieu de mémoire vivant. Maintenant, est-ce que cela reflète une quelconque réalité sociale plus large de l'Europe, de ce qu'est l'Europe, ça on peut en douter. La seule chose à quoi nous avons veillé, Thomas et moi, c'est, puisque nous sommes des franco-allemands, mais on n'est pas des Allemands de l'Est, des Allemands de l'Ouest, et que la majorité, beaucoup de nos auteurs sont plutôt des Européens de l'Ouest, et que de toute façon, dans le discours dominant, ce sont avant tout les thèmes forgés en Europe de l'Ouest qui dominent. Ce qu'on a voulu faire, c'est qu'il n'y ait pas une surdétermination par l'Europe de l'Ouest avec son extension qui sont les États-Unis. Et donc, on a veillé d'abord dans le choix de nos auteurs à avoir beaucoup d'auteurs venant de l'ancienne Europe de l'Est et jusqu'à la Russie. On a veillé ensuite à avoir des auteurs qui ne sont pas à proprement parler européens, mais qui ont tous été marqués d'une manière ou d'une autre par les héritages européens et qui travaillent sur les questions européennes. Et lorsque les auteurs nous ont envoyé leurs textes, lorsque nous avions l'impression qu'ils étaient trop biaisés d'un point de vue occidental, on leur a demandé de prendre en compte aussi les autres aspects de l'Europe pour avoir une Europe plus plurielle et plus englobante. Tchernobyl, angle mort, Garena Kalmbach. L'homme de Vitruve, métaphore du monde, Patrick Boucheron. Le juif errant, Dominique Bourrel. Les Balkans confinés, Nenad Stefanov. Vin et bière, la carte des boissons, Axel Tixon. Moi je bois une bière avec Jakob Vogel qui est un des éditeurs des volumes. Et l'éditrice Hélène s'est aussi assise à notre table. Donc voilà, c'est les trois personnes. Hélène de Virieux, vous êtes l'éditrice de ce livre, de ce projet sur les lieux de mémoire européens. Vous sortez de la première série de présentations. Comment ça s'est passé ? C'est assez commenté, c'est assez contesté en fait. Il y a deux personnes qui font pas partie du projet mais qui commentent les interventions des historiens qui présentent leurs articles. Et ils ont accusé d'une certaine façon certains auteurs d'avoir une vision uniquement occidentale. Par exemple, sur le tyran ou la décadence, Johan Chapoutot qui a fait l'article sur le tyran. Il explique que le tyran vient toujours des marges de l'Europe. Et en l'occurrence, par exemple, Staline, c'était aussi l'ogre parce qu'il était russe. Alors, les commentaires, ça a été « mais la Russie fait partie de l'Europe ». Oui, la Russie fait partie de l'Europe, mais au sein de l'Europe du milieu, je ne sais pas comment on pourrait dire les choses, la Russie a toujours été considérée comme un confin, même si on peut évidemment considérer qu'elle fait partie de l'Europe. Donc je vois que c'est assez contesté. Je n'avais pas imaginé qu'il y aurait autant de contestations des mémoires de l'Est. Hélène de Virieux nous a dit que les échanges que vous aviez avec Johan Chapoutot étaient assez vifs, ouais, sur cet article sur la décadence. Sur cet article-là, il y avait, de mon côté, il y avait trois points. Le premier, c'était, pour lui, la décadence n'était qu'un lieu de mémoire de projection négative. Or, la décadence est aussi perçue à certains moments par certains groupes sociaux, donc pas tous, mais par certains groupes sociaux, comme quelque chose de positif, comme quelque chose de productif. Donc ça, c'était une première interrogation. La deuxième interrogation, c'était sur... Donc son argument, c'est la décadence, on a fait, ça vient donc de la Rome antique, et donc la question était d'amener plus de chronologie. À certains moments, l'Antiquité fait sens en Europe, et en certains moments, elle ne fait pas sens en Europe. Donc c'était aussi une réflexion de dire, mais voilà, à certains moments, pour les intellectuels ou pour les élites, ils vont chercher leur exemple dans la Rome antique, et à certains moments, pas. Donc j'aurais bien aimé aussi avoir cet aspect-là. Le troisième, c'était de plus dire qui sont les acteurs de cette utilisation du mot. Et se rendre aussi compte que ce concept décadence est peut-être un terme qui fait sens pour une élite, ce que les Allemands appellent le Bildungsbürgertum, mais qu'il y a d'autres couches sociales où on ne parle pas de décadence. Et puis, il y avait de ma collègue qui, elle, est polonaise, qui, elle, par rapport, trouvait que c'était une vision très Europe de l'Ouest de la décadence et qu'en Pologne ou en Russie, ça pouvait avoir d'autres connotations qui étaient aussi de nouveau moins négatives. Pour moi, un des objectifs de la recherche, Valérie Roseau, c'est de créer des passerelles fondamentalement entre disciplines, entre nationalités, aujourd'hui plus que jamais, mais aussi entre auteurs et lecteurs, entre générations, surtout sur des sujets comme ça. Donc ce rôle de construire des ponts, ça semble un peu naïf comme idée. Hein. C'est cet aspect-là qui me rend un peu euphorique, parce qu'on est quand même tous assis, on essaie de faire de notre mieux. Il y a 30 personnes qui donnent de leur temps, qui ont lu le papier et qui essaient de dire comment le papier pourrait être encore plus percutant, plus concis, plus juste, mieux ajusté, etc. Moi, je prends vraiment ce jeu-là comme un jeu constructif. Il y a eu des discussions assez animées sur qu'est-ce qu'il faut mettre dans un article lorsqu'on publie un article dans le lieu de mémoire. Donc souvent, avec ma collègue, qui vient aussi plutôt des Memory Studies, on disait « Où reste la mémoire ?» Il y avait beaucoup d'histoires et peut-être pas assez de réflexions sur la mémoire. D'un autre côté, ce que j'ai bien aimé, que c'était une discussion sur le fond. Donc qu'est-ce qu'on entend sous l'île de mémoire? Qu'est-ce qu'on doit retrouver dans un tel article? Quelles sont les approches aussi de rendre ça concret? Et donc de réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire une pratique mémorielle. Je trouvais que la discussion était vive, mais elle était sous le fond. Dès le début, on s'est dit, avec modestie, parce qu'il faut l'être, hein, qu'on ne couvrirait pas tout le champ des mémoires européennes. On a forcément fait des choix, donc forcément subjectifs. On va déjà sortir un livre en 3 volumes de 3 millions de signes. Il y aura 3 tomes de 500 pages chacun. Mais c'est des très gros volumes, c'est pas des petits tomes comme ça, c'est très large, hein. C'est 210 ou 270. C'est un pari fou, hein. Je disais ce matin, c'est crazy book, mais c'est un pari fou, même pour l'éditeur, hein, complètement fou. L'Europe, c'est un sujet qui fait fuir. On sait très bien que s'il y a Europe sur un livre, il se vend pas. Et nous, on met beaucoup d'argent, on paye 100 contributeurs, il y a 150 articles. Donc c'est énorme. On pouvait difficilement aller au-delà. Donc la couverture est déjà prête. Le coffret est prêt. Donc c'est un coffret noir avec écrit Europa en bleu. Mais comme un logo, c'est-à-dire les lettres sont deux par deux alignées à la verticale. Et on a à gauche lieu de mémoire. C'est vraiment un livre qui va donner une perspective. Et après avoir lu les articles, on se dit, bon, c'est bon, on peut traverser d'autres crises, quoi. La science à ce niveau-là, parce que c'est quand même des gens très érudits, et en même temps c'est accessible, c'est très rassurant. Parce que la perspective, la profondeur de champ, c'est toujours rassurant par rapport au brouhaha de l'actualité. Donc pour l'instant, on travaille à un titre qui permettrait de dire aux lecteurs que c'est une histoire intime de l'Europe. C'est-à-dire parce que les mémoires, mine de rien, c'est quelque chose de très intime, puisque c'est l'histoire telle qu'elle a été digérée. Donc c'est des choses qu'on ressent, qui sont intuitives. Donc c'est mine de rien une histoire intime. Donc on aimerait mettre ça en avant d'une façon ou d'une autre. Mais pour l'instant, on est sur ce coffret, avec effectivement les 3 volumes dedans, avec chacun une couleur. Et à chaque fois, ce logo Europa qui se retrouve sur la tranche. Ça vous plaît ? Neuf mois après, voici donc l'ouvrage. Un seul tome, finalement, très imposant, sous une couverture souple, blanche et bleu clair. Un titre, Europa, notre histoire, et une accroche, l'héritage européen depuis Homère. Et nul doute que la lecture de ces 1392 pages apportera des réponses, mais autant, sinon plus, d'interrogations nouvelles. Au moment où l'Europe semble soudainement devenir une sorte d'image du passé, quasiment, où les inquiétudes, est-ce que l'Europe va survivre en sens de l'Union, etc., je pense que c'est quelque chose qui rend les lieux de mémoire européens extrêmement actuels. Parce que c'est exactement l'occasion, si les 3 volumes ont un écho, à ce qu'on en débatte dans le média. Parce que, soyons aussi clairs, ce n'est pas un ouvrage universitaire qui va atteindre un large public. Aussi bien soit-il écrit, il va rester limité. C'est ensuite d'autres acteurs culturels, médias, associations, artistes, qui vont le porter à leur manière. Donc le rôle de cet ouvrage, c'est d'offrir des matériaux, des incitations, provoquer des réactions contradictoires. Et là, on aura des lieux de mémoire en marche, des lieux de mémoire qui fonctionnent véritablement. Merci à Étienne François, Thomas Serrier, Hélène Devirieux, Mike Plitt, Valérie Rozou, Anne-Marie Autissier, Christine Cadeau, Bogumil Yevchevitsky, Jacques Revel, Felipe Brandi, Benoît Magérus, Johan Chapoutot, Javier Gomez Montero, Alan Forrest et Gert Krumaich. Donc l'idée, c'est de partir vers des rencontres improbables à partir du bouquin, à partir du processus qui a été fait ici, et de partir avec quelques volontaires dans l'équipe vers des lieux comme moi je connais à Bruxelles qui sont par exemple Molenbeek, qui est devenu un lieu de mémoire, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille, enfin en tout cas ça pourrait devenir un lieu de mémoire, et d'aller via des associations locales vers des populations dont on dit qu'ils sont issus de l'immigration mais qui sont des gens qui sont nés en Belgique, qui sont nés en Europe, et leur demander de manière un peu stimulante à partir de 2-3 conclusions, pas plus, de nos recherches, dire il y a plein de voix qui ne sont pas dans l'ouvrage. Dites-nous, quels sont les lieux de mémoire européens pour vous? Est-ce que la notion a du sens? Et de quoi vous vous souvenez, vous? Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Allez, guys, move on, qu'est-ce que c'est pour vous? Et si ça ne fait pas sens, pourquoi ça ne fait pas sens? Donc l'idée, c'était d'aller vraiment bien au-delà du public blanc, bien pensant, Bac plus 5 au moins, qui est représenté ici. Que je respecte, hein, que je respecte, mais qui est vraiment largement insuffisant. Prise de son, Marcos Darras et Pierrick Monsigny. Mixage, Pascal Bénard. Réalisation, Françoise Camard et Marie-Laure Ciboulet. En ce moment, nous retombons partout dans un discours national et aussi nationaliste. Il faut donc que les Européens se réveillent et qu'ils sachent réveiller les autres. Je ne sais pas si ce sera possible. Parce qu'il y a de bons arguments pour dire, écoutez, c'est l'unicité de l'argent et du marché, basta. Faut-il une conscience européenne pour ce faire? La question est restée ouverte. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une conscience européenne, dans la mesure aussi où les consciences américaines et russes et autres, et chinois, etc., viennent vraiment d'une façon renforcée de nos jours. Peut-on y répondre? J'ai aucune idée, je l'espère. C'était Europa en chantier, partage des mémoires et fabrique d'une histoire, un documentaire de Victor Massé de l'Épinay. Et voilà pour ce documentaire à réécouter sur le site de France Culture. Après cette réflexion collective sur l'histoire et la mémoire, demain, nous nous intéresserons donc à l'histoire des discours anti-européens.